quand on met le pied par terre et qu'on se lève de travers, ou bien qu'on ne se lève pas. Le destin, c'est le réveil que l'on oublie de remonter avant la nuit et qui ne sonne pas. Le destin, on ne le sait jamais d'avance. C'est la journée qui recommence, c'est la vie qui prend son chemin. Le destin, c'est d'être à l'endroit où il faut, jamais trop tard mais pas trop tôt. C'est quelque chose d'incertain. Le destin, toute sa vie on court après, entre deux rendez-vous manqués, voilà qu'il gagne du terrain. Le destin, il se paraît pis un peu paraît tout, quand il faut choisir c'est à nous de tendre la main. C'est peut-être avant ou après cet amour qu'on a déchiré et qui vous file entre les mains. Le destin, je l'ai bousculé tant de fois, entre mes peines, entre mes joies, qu'il marche au rythme de mon cœur. C'est d'avance, mais ma vie ne prend d'importance que près.